Demain sera le jour où rien ne sera plus pareil. J'ai attendu mon tour. Voilà, je réponds à l'appel. Demain sera le jour. La revanche et la belle, ou le dernier recours, le temps que chacun se révèle. La vie ailleurs, meilleure qu'ici. Ici on meurt d'envie. D'ailleurs, je vis comme le veilleur d'une éclaircie. La vie ailleurs. La vie ailleurs. Demain sera le jour d'avancer au soleil, sans effort ni bravoure, à soi redevenir fidèle. La vie ailleurs, meilleure qu'ici. Si on meurt d'envie d'une vie ailleurs, d'ailleurs je vis comme le veilleur d'une éclaircie. D'un voyage au long cours, enfin de retour, l'étincelle.